السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة مع إخوة لنا وأيضا بناتنا معنا يجتمعون الذكر. Avec nos frères et nos sœurs, ce qu'on a pour écouter. Hadith Bukhari et Leila. Le discours de ce soir. Mouadjel et Jamien. S'adresse à tout le monde. Kobelachas. Et à titre spécifique. Al-Mara. Aux femmes. Al-Mushrima. Musulmans. Wadorha. Qui s'enrôle. Et Islah. Dans la réforme. Nafsha. De sa propre personne, sa famille, ainsi que sa société. La femme, ainsi que l'homme, sont des règles qui les concernent. Que ce soit dans la législation, le dogme et le même. Ce que croit un homme et une femme sont pareils. Il y a des règles spécifiques aux hommes. Peut-être porte l'imam la gouverne. Il y a d'autres les règles qui concernent spécifiquement les hommes. Et il y a des règles spécifiques aux femmes sur lesquelles donc il en découle la validité ou la non-validité de son adoration. Comme donc les rishis et les règles. Donc le fait de porter un enfant, l'allaitement, l'accouchement. Tous ces phénomènes sont liés aussi à l'adoration. La prière, le jeûne, le pèlerinage. Ils ont découlé beaucoup de règles. Donc il y a des règles générales qui concernent tout le monde. Et il y a des règles spécifiques pour les hommes. هناك أحكام خاصة للنساء النساء لهن منزلة في كتاب الله سميت سورة كاملة من القرآن باسم سورة النساء ما في سورة اسمها سورة الرجال وهذا تشريف للنساء. خص الله لهن سورة خص الله لهن الله نلعب في سفيدان سورة كاملة في القرآن باسم النساء هذا التكريم الحقيقي هذا الاحترام الحقيقي للمرأة لا أن تجعل سرعة سرعة للعري donc, et non pas comme on fasse une marchandise pour la nudité mais pour aussi assouvir les passions. Les sociétés sont composées des hommes et des femmes, le corps et l'âme, l'âme et femelle, les statistiques العالمية مونديال تدل على مون أن عدد النساء أكثر من الرجال من نوم دي فامي سيكوريو من نزام وليس غريب ليس Ce n'est pas quelque chose qui est étrange. Beaucoup d'hommes laissent leur vie dans les guerres. Ainsi que les accidents. De par leur voyage et des passions. Ainsi que donc comme les accidents de route. C'est pour ça donc que les femmes sont plus nombreuses. بدلت الأحاديث الصحيحة. إمام لي حديث الطوسي. أن النبي صلى الله عليه وسلم. كل فرع صلى الله عليه وسلم. أن في آخر الزمان. كل من ذكر. يصبح الرجل. يصبح الرجل. قيم على 50 امرأة. Donc un homme aura la responsabilité de 50 femmes. يعني تصبح عدد النساء 50 ضعف من عدد الرجال. Donc le nombre des femmes sera supérieur au nombre des hommes de 50 fois. Un savant dit à propos de cela. Car donc les hommes sont absorbés par les épreuves. Et dans le mara, donc la femme, la boudin, et pour la marché, il se doit d'avoir une part. في هذه الدورة العلمية المباركة. أمي امرأة. ما مالك امرأة. زوجتي امرأة. أنسي كما يعود. أختي امرأة. أنسي كما سام. بنتي امرأة. أنسي كما في. محاط بالنساء. يسوي أنتور إلى فرع. لهم حق الإجلال. Elles ont donc le droit du respect et aussi de leur rendre ce qui leur revient de leur rendre. Donc la femme est une masse de sentiments. La réforme de la femme, il en dépend la réforme de la société. La corruption de la femme, la corruption de la société. Et la femme peut créer. Si dans le quartier, Chab, un jeune pieux, au Chab, passe, et un jeune qui est pervers, chacun des deux donc aura son impact. Chab, passe, donc le Chab, d'être au Chab. Pour celui qui est corrompu, certainement il va affecter la société. Mais la femme qui est corrompue, son influence est sur toute la société. Car elle peut faire corrompre un grand nombre. Et le contraire aussi vrai. La réforme de la femme تؤثر على زوجها. Elle peut avoir des influences sur son mari. تؤثر على أخوها. Ainsi que son frère. تؤثر على ابنها. Ainsi que son fils. بل تؤثر على أبوها. Elle peut même avoir des influences sur son propre père. وعلى جدها. Et son grand-mère. فإذا بها قد أثرت على خمس طبقات. خمس طبقات. Voilà, donc voilà comment elle doit agir sur cinq sphères. وهي الله واحد الله واحد أنا بسيم سبنا إذا عنايتنا بهذه المرأة بفترة تبدي مفتوحة على فهم عناية ذات هدف donc une bienveillance qui a un but وذات رسالة aussi c'est un message وذات وسائل تحقيق هذا الهدف من خلال الرسالة et donc c'est un moyen aussi d'arriver au but à travers ce message. قلت لكم القرآن اعتنى وجعل لها صورة خاصة. Donc je vous ai dit, apparemment le Coran lui a accordé une importance et lui a dédié une sourate complète. النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم. خصها بكثير من الأحكام. Il lui a aussi spécifié énormément de règles. غالب روايات الحديث. Une grande partie des hadiths. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. sont apportés par les épouses du troisième accent. Avec le Nabour. Donc, la maison de la prophétie. Bébel. Est une maison de science. Avec Chatel. Avec Chatel. Avec Chatel. Avec Chatel. Avec Chatel. Avec Chatel. Avec Chatel. Avec Chatel. Avec Chatel. Avec Chatel. Avec Chatel. Avec Chatel. Avec Chatel. Avec Chatel. Avec Chatel. Avec Chatel. Avec Chatel. Avec Chatel. Avec Chatel. Avec Chatel. Avec Chatel. Avec Chatel. Avec Chatel. Avec Chatel. Avec Chatel. ولا حديثين ني ما حدا سوى قدر ولا ني تخوى لا آخر الحديث تمين يمن وكنا أمهات المؤمنين يجرون انزول التيك دي مير دي كرويان مصلحات كان ان ريفورم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وقبة الله سلم يمان واستمرت الدعوة إن الدعوة لكم في أخيرهم واستمرت دور أمهات المؤمنين فكثير روى الأحاديث عن أمهات المؤمنين وعن النساء الصحابيات أخرجوا جيل فريد متميز مؤمن croyant لا مبادئ ثابتة Il y a des principes fermes. Ils ont concrétisé les buts à travers les moyens légiférés. Et ainsi le message parvenu. Et la société, elle est devenue bonne. Donc réitérer cela à chaque moment et à chaque instant, ce n'est pas quelque chose de très difficile. Nous commençons. Donc, je suis le premier à commencer. Toi, نحن أولياء الأمور. Nous sommes donc les responsables des femmes. تبدأين أنت يا بنتي. Et toi aussi, ma fille, tu commences. يصلح نفسك. Par ta propre personne. تعلم العلم. Apprends donc la science de l'Église. لا صلاح إلا بالعلم. On ne peut se réformer qu'à travers la science. العلم الشرعي. La science donc est différente. معرفة الحق والباطل. Différencier le vrai du faux. التوحيد الشريف. L'unicité de l'association. السنة من البدع. Donc la sunna de l'innovation, le vrai du faux, le bien et le mal. Donc c'est à travers cette réforme qui est bonne pour toutes les sociétés. Comment réaliser cela? De telle rencontre bénie. Ce séminaire, je ne peux pas. لعدم وجود من يأتي به. كاظم الإمام كنت كيف معمني؟ وأسرتي لا تساعد في ذلك. سي ما خامي من بين الإمام. الحمد لله. الوسائل العصرية موجودة. مويا مودرن إكزيست. تستطيعين يا بنتي. في دور ما شئت. أن تحضرين معنا. إيش بقيتون عليك نوم؟ وأتي في بيتك. أنا كنت ليش تو؟ من خلال. أفخر. هذا النقل المباشر. Donc à travers la transmission directe. Ismaïl le lama. T'écoutes les savants. Donc à travers donc leur site. La lecture. Donc. Donc se réformer, bien s'auto-réformer est quelque chose de possible. À travers les moyens légiférés. Qui sont à disponibilité. Qui sont aussi concrets. Conforme. À travers les grands savants. Donc, de la même manière que tu choisis ce qui est le plus bon pour ton ventre, tu dois donc choisir la source, la meilleure des sources, à travers des grands savants. Afin que tu sois donc, afin qu'il y ait une certitude. وثبات وطمأنينة وحجة قوية الذي يعلو فوق الجبال celui donc qui fait l'ascension des montagnes فهي راسخة ثابتة ليس كمن يمشي في وسط الوادي celui passe la main en arrière de celui qui marche sur les vallées أعني بهذا je veux dire par cela استنادك على جبال العلماء Le fait que tu t'appuies sur les montagnes qui sont en train et leur sommet كذلك يسير. ومن ترك الكبار ونزل في الصغار كمن يمشي في الوادي ومن يمشي على راسه. Et celui donc qui délaisse les grands et qui suit les petits, donc c'est comme de la même, c'est comme celui qui marche donc sur les sommets et celui qui marche au pied de la montagne. Les savants qui sont confondus et confondus à travers les premiers et derniers. Si tu sais te réformer ma fille, tu sauras aussi réformer tes soeurs. Tu leur apprends. وصرت سبب خير. Et tu seras donc un moyen pour le bien. في بنات خربوا بنات. Il y a des filles qui ont détruit des filles. وفي بنات أصلحوا بنات. Il y a des filles qui ont réformé des filles. كن صالحا بنفسك. Donc sois bon en toi-même. مصلحا لغيرك. Et réforme-toi et réforme les autres. وإن وجدت نفسك ضعيفا. Et si tu vois que tu es faible. تنسحب. Donc retire-toi. حتى لا تغتري. Afin que tu ne sois pas violé. تخسر. الله تبارك وتعالى يقول الله نون متقلون دي دون سسانس وحرمتي بيوتك يقول دمروري ولا تبارك ولا تبارك تبارك الجاهلية الأولى donc il ne sortait pas donc de la même manière que la première jahiliya c'est-à-dire l'islam هذا هو المصلح voilà donc la manière de se réformer الشارع la rue دور مدرجة دور بنات في الجنة. نقول إستاذ دور بزمن. لأن المجتمع. كما سوسيتي. بأمور عامة. هي دي شغلات في سن جنرال. بأمور خاصة. هي دي شغلات في سن سبيسيفيك. الطرقات. الريو. والأسواق. المارشي. والتنقلات. الديبلاسمون. والمدن والبلدان. الفيل. إحنا مسلمون ولا لا؟ سأسي دون سير العلماء. ما عرفنا أننا سيتنقلنا للدعوة. C'est eux qui ont fait les vraiment parce que c'est pas trop. Ce sont les gens, ça c'est la responsabilité des hommes. Et tu vois donc déjà répondre à propre maison. Et ça, ta place. Ta belle place. Ça c'est ton paradis. Et puis chez toi, Hishma. Donc dans la pudeur, la fierté, le respect. ومن هانت تعرضت للمهونة. Donc celle qui ne se bat, qui ne sait pas, donc celle qui ne se bat, donc se respecter, elle s'est exposée donc à l'humiliation. والمرأة ضعيفة. La femme en général est faible. ونحن الرجال. Et nous les hommes. بيات. On est des loups. والمرأة. Et la femme. ريسة السنة. C'est une proie facile. فانتبه يا بنتي. فانتبه يا بنتي. من اللعاب. في اللعاب. وكل اللعاب هو يخطب. بيفتس. كل لعاب. لعاب هو يتقطب. ولكن كان سيصلي من كل سبب. ليفتس. Pour boxer des sous sa peau. فانتبه يا نفسك. فانتبه يا بنتي. Personne. لا تتغير من الأجانب. Et donc, ne fais pas confiance à ceux qui sont étrangers. وأنتم انتبهوا لأنفسكم. Et vous aussi prenez garde pour vos propres personnes. La femme est prête, donc tournez la tête à celui qui est le plus raisonnable, le plus sensé parmi vous. L'homme est fort, il est faible face à la femme. Et la femme qui est forte, elle est faible devant les hommes. Donc pourquoi s'exposer? C'est pour ça qu'il nous a été interdit. Donc, le jeu de pour la solitude. Car le troisième est le chaitan. Mais maintenant, il y a une autre façon de s'isoler. Vous savez, c'est laquelle? Donc, la solitude maintenant électronique. Les mails. Les mails. Le chat. Donc, sur le chat. تانجو لوحده تانجو انا اعرف اسمع كل تانجو انا اعرفها كلها تانجو سكاي تويتر فيسبوك Vous parlez Il y a des maisons qui ont été détruites à cause de ça. Il y a eu des divorces suite à ça. Il y a eu des crimes qui ont eu suite à ça. La fornication. L'humilité. À cause de ces choses. Prenez garde pour vos propres personnes. Ce sont donc des moyens pour en tirer profit. Et de la même manière, il peut être des moyens pour détruire والضرب. Et aussi pour nuire. La réforme de la société, il se fait à travers toi, ou bien à travers toi, ma soeur, ou à travers toi, moi-même. Tout cela, donc en mettant l'effort, en mettant donc l'effort et en prenant les bonnes résolutions. Nous sommes à une époque, donc de l'ouverture. Tu peux voir tout ce que tu veux. Halal. Les choses qui sont ici. Haram. Et les choses qui sont ici. Haram. Le vrai. Baratum. Et le faux. Jai. Le bon. Sayyidi. Le mauvais. Falistahnak. Maniamnak. Il n'y a personne qui peut t'interdire. Illa. Si ce n'est. Imanak. Parfois en bas. Si tu. Manjaras. Si tu fais preuve de faiblesse et que tu entends. Prends garde pour ta propre personne. Reviens à moi. Donc, on est tous sujets à l'erreur. Personne n'est à l'abri de l'erreur. Et tu sais, toi-même, tu fais des erreurs. Donc, reviens. La porte est ouverte. La porte du repentir est ouverte. La porte de l'imploration du pardon. Nous avons un Seigneur généreux, très miséricordieux. Il accepte le repentir et il pardonne beaucoup de choses. Mais donc, c'est une bonne résolution. Prends garde à ma fille de toutes ces choses. Il y a tant de choses qui sont rencontrées par la porte par laquelle on voyait le bien. Il a perduré comme ça dans le temps jusqu'à ce qu'elle s'est transformée en un vrai mal. Sourate. Question. Salam. La fin, c'est un salam. Ralam. La fin, c'est un amour. Habba. Ta'alluq. Donc on s'accroche, on s'attache. Thumma. Chia. La tourbe. Et il y a à la suite des choses dont Allah n'agrée pas. La réforme de la société, elle prend le départ, elle prend le commencement dans la réforme de ta propre personne. Pour toi, jeune et pour toi. Veillez à vous auto-réformer afin que vous donnez naissance à une famille pieuse. Et comme ça, dans ma société, elle sera bonne. Au sort. Si ma, dans ma société, au sort. Ta société, au sort. Ma famille et toi. Parce que je t'en ai mis moi à tout ça. La société n'est composée que d'un nombre de familles. Si on réforme notre société, ça va. On sera bon. Bellams, on a dit à la fois. Pas plus qu'hier, il y a un frère qui m'a dit un message de l'Yuma a fait Robi. Un message de l'Yuma a fait Robi. Que les mosquées vont de Roubé le vendredi, que nous avons carrière, elles sont pleines. Quand on a la marche à Dieu, je dis ça, c'est une bonne chose, c'est un bon indice. Un nas, comme un nas. Un nas, comme un nas. Donc les gens sont, ça reste toujours des gens. Ta'ala, il y a des halas. عودة حميدة إلى الله. Donc ça, ça montre qu'il y a vrai retour vers l'homme. وهذا توفيق من الله عز وجل. Et ça, c'est une aide et un succès de la parole. يدل على أن المرأة هنا لها دور في الإصلاح. Qui montre donc que la femme a pris son rôle pour réformer. ليس فقط في الروبين. Pas seulement à Roubaix. في كثير من المدن والدول. Dans plusieurs villes et plusieurs pays. أيها المرأة. Ô femme. استمر. Donc continue. لا تبكي. Ne t'en lasse pas. استمري. لا تبكي. Donc continuez dans l'aspa. Le chemin est certainement très long. Il demande beaucoup d'efforts, de patience et d'endurance. Donc tu vas donc faire 500 millions autour de toi. Donc voilà, ils s'amusent. Ils sont heureux. Dans les choses qui attirent la colère d'Allah. Et l'âme est faible. Donc fais preuve de patience. Au paradis, il y a tout ce qu'on veut. Donc, ils auront tout ce qu'ils demandent. Salam, parole de l'Allah. Salam, parole d'un Seigneur miséricordieux. Il faut faire preuve de patience. Pour Allah, comme je t'ai dit. Et c'est Allah, donc, qui s'est offert à moi. Un chercher de ses voix. Pour ce qu'on doit lui attribuer. La patience. La patience, la patience. Donc, il ne faut pas s'empresser de cueillir les fruits. زوجك سيصلح. Ton mari certainement il va revenir sur la route. سيصلح. Ton frère aussi. ابنك سيصلح. Ton fils aussi. أبوك كذلك. Ton père aussi. بنتي. Donc reste ferme. واستمر. Perdu. ستجدين من يمحك بك. Tu trouveras que ويستهزئ بك. Tu trouveras donc très certainement celui qui se moque de toi, celui qui te fait tourner en dérision. أنت المتشدد. Tu es extrémiste. أنت المعقدة. Tu es quelqu'un de complexé. لماذا هذا مرض؟ C'est très certainement c'est une maladie. ما يعلم أن هذا هو الإيمان بالله. Ne savent pas que ça c'est la foi en Allah. المعقد. Complexé. من كان أسيرا لشهوته. Celui qui est emprisonné par ses propres passions. المتشدد. Donc l'extrémiste. والمتبع للشهوة البعيدة عن الله. Celui qui suit les passions, celui qui est malade psychologiquement, celui qui s'est détourné de l'Allah subhanahu wa ta'ala et il n'a fait de son objectif que ce moment. Très certainement, il ne trouve pas donc, la joie que tu trouves au fond de toi. Le fait que tu te débarrasses de ta solitude on te, auprès d'Allah sur un terme. Donc reste ferme. La tanzaï. Donc ne. La tanzaï, hijabak. N'enlève pas donc ton voile. La tanzaï, salat. Ne délaisse guère la prière. La tanzaï, al-haya. La tanzaï, al-haya. Donc ne suis pas donc cette vie. Taïbi an voyez al-ali. Voilà, donc éloigne-toi des habits qui sont étroits. فأنت غزالة ستفترس في القيامة. إذا بيان غادر في تلك تسحاي غزالة في ستي إسماء. بدون رحمة. بدون رحمة. بدون رحمة. Sont et qui n'ont aucune pitié pour toi. لا أقول هذا معلمكم. Je dis pas ça pour te menacer. هي حقيقة. C'est une vérité. ونرى فيه كثير من البلدان المتحضرة. Nous voyons dans plusieurs sociétés donc, même dans la présence de cette divinité, il y a malgré ça donc des agressions, il est vrai. Qu'est-ce qui est le plus cher? Un bonbon. Qu'est-ce qui est le plus cher donc? Un bonbon qui est caché ou bien celui qui est découvert? ما أكثر المكشوف. Qu'est-ce qui est découvert? ولا يتنافس الناس في شراء. Les gens ne sont concurrents pas pour l'acheter. كل ما كانت مغلفة جيدا. Tout ce qui est bien emballé. كل ما تنافسوا عليه. Plus les gens vont, ils se concurrencent pour l'avoir. إن الجواهر. Les perles. لا تعرض. On on ne les expose pas. Voilà qui n'a rien à faire. Et on les garde et on les préserve. صراحك أيتها المرأة تعرفون أوفان يبني أوفان يكونستخلي من كوبيلاتي ولذلك يدرس مدرسة سيبوسان دونك لا مير إيكون إيكول إن أحسنت تربيتنا سي تو سي ديبيوتي أخرجت جيل إن فورمورا إن جينيراسيون متميز كي سخا سيستيم هذه خواطر ووصايا. Donc ça, ce sont des recommandations et des recommandations et des avertissements. Donc ce soir, c'est pour les femmes. Même les questions. Elles sont pour elles. Thank you.